Amis auditeurs, amis auditrans, amis auditrices, bonjour. Idéologie de mon pink à moi. Le mouvement pink exprime une révolte contre les valeurs établies, qui privilégie l'expression brute et spontanée. Le pink est porteur d'une volonté de tabula rasa, mais aussi d'un renouveau culturel, l'émergence d'une nouvelle énergie, synonyme d'une liberté de création maximum. La philosophie pink vise à la liberté maximale de l'individu et la mise en place d'un cadre de vie comportant le moins de restrictions possible. L'idéologie pink est diffusée par la musique pink. L'idée principale derrière le mouvement pink est la liberté de penser, ou penser pour soi-même et le respect mutuel. Le pink est avant tout un état d'esprit contre la discrimination. La philosophie pink se caractérise par l'esprit de subversion, le « do it yourself ». L'appellation « do it yourself », abrégée en Y, dont une traduction littérale en français serait « faites-le vous-même », désigne à la fois certains musiciens ou mouvements culturels. Des activités visant à créer des objets de la vie courante, des objets technologiques ou des objets artistiques. On peut associer la formule « do it yourself » au « bricolage » ou encore au « système D », mais cela ne s'arrête pas là. Différentes choses s'apparentent à la philosophie « faites-le vous-même ». Toute activité où l'on n'est pas seulement spectateur ou consommateur. Participer et échanger ses connaissances, sa culture, son information, débattre et décider par exemple sur une encyclopédie libre, telle Wikipédia. Toute activité créatrice, exemple, l'artisanat, ou la notion de création, avant l'ère industrielle. Tout recyclage, consumériste, technologique ou culturel. L'auto-édition de livres, magazines, bandes dessinées et de remplacement. Les groupes ou artistes solo libérant leur musique, musique libre, ou la finançant sans les maisons de disques. La culture de la cassette, et de la copie, privée, ou plus dans la culture pink. La création artisanale comme le tricot, la couture, les bijoux faits à la main, la céramique, etc. En informatique, les logiciels libres ou le hack. En comédie, le détournement situationniste ou tout simplement toute parodie. Beaucoup d'activités créatrices pour enfants. Au-delà d'une simple volonté de récupération, le mouvement Do It Yourself, il ne s'agit pas d'un mouvement constitué, se voit comme une alternative politique en opposition au monde d'ultra-consommation dans lequel il baigne, source Wikipédia, le besoin de créer, d'avoir une certaine indépendance par rapport à l'industrie et aux grands groupes commerciaux, de retrouver un savoir-faire abandonné les pousse à trouver des solutions pour faire le maximum de choses par eux-mêmes, en opposition à la marchandisation dominante, tout en recherchant la gratuité ou les prix faibles. Vous écoutez Radio Parasite ? Ça tue ?